Là, c'est la photo de mon anniversaire. J'avais 12 ans. Oh, mon premier flirt au bal du 14 juillet. La photo de mon mariage. Celle-là, c'était en mars, au dîner des anciens. Forcément, un jour, tout s'arrête. Ne laissez pas mourir vos convictions. Quand vous faites un leg à Médecins du Monde, votre engagement continue. Et là, c'est le docteur qui me soigne. Lui, c'est mon cousin Babou. Lui aussi, on le soigne. Médecins du Monde, léguez-nous vos volontés. Demandez votre brochure sur leg.medecinsdumonde.org. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. À l'école, Henri Cartier-Bresson était un élève médiocre, mais qui rêvait de peinture. Né en 1908, cet enfant d'une famille d'industriels, qui conçoit une assez franche détestation pour le monde des affaires, refuse de rejoindre l'entreprise paternelle afin d'intégrer après le lycée l'atelier du peintre André Lotte, puis de découvrir comment déployer une démarche artistique par le médium photographique. Durant sa jeunesse, Cartier-Bresson navigue dans les milieux surréalistes avant de s'adonner à une pratique de la photo entre art et reportage, et cela au cours de nombreux voyages en Afrique d'abord, puis aux États-Unis et enfin en Asie, région qu'il connaît également de par sa femme qui est indonésienne. Avec quelques autres photographes, dont Robert Capa, ils fondent l'agence Magnum, une coopérative de talents qui cherche à protéger leurs choix artistiques en restant propriétaires de leurs clichés et en interdisant aux magazines de recadrer leurs images. Mais il est l'heure à présent de parler justement de ces photographies. Et pour interroger le travail photographique de Cartier-Bresson et parler aussi de ses photos de Chine à l'occasion d'une exposition qui se tient sur ce sujet à la Fondation Cartier-Bresson dans le Marais à Paris, nous sommes en compagnie de Michel Frizeau qui en est le commissaire. Il est aussi chercheur émérite au CNRS et enseignant d'histoire et de théorie de la photographie à Paris 4, à l'École du Louvre et à l'EHESS. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres. La photographie, c'est un moyen de comprendre. L'appareil de photo, enfin, c'est un outil, c'est une arme. Contre qui? Pour la défense de quoi, vous voulez dire? Oui. Bon, ben, il n'y a qu'à regarder les photos. Mais j'espère qu'elle parle pas elle-même. Là, on peut et pas puis en même temps, c'est un confesseur, l'appareil, c'est une couche de psychanalyse, c'est tout ce qu'on veut. Ça dépend comment on s'en sert, mais c'est assez fort. Ça peut être fort. Et c'est une chose, c'est un instrument, une relation absolument intuitive avec l'appareil. Bonjour Michel Frizeau. Bonjour. Vous réfléchissez depuis longtemps sur le médium photographique. Vous l'avez fait notamment dans un livre intitulé « L'homme photographique », une anthologie que vous avez publiée l'année dernière aux éditions Azan. Vous y parlez de Cartier-Bresson, mais aussi de bien d'autres photographes, puisque vous réfléchissez à savoir notamment ce que la photographie en elle-même a inventé. Je voudrais qu'on commence par là. Qu'est-ce qui change réellement avec l'invention de la photographie dans la première moitié du 19e siècle? Alors, ce qui change en premier lieu, certainement, c'est le mode de fabrication des images. Puisque, contrairement aux artefacts précédents, la peinture, le dessin, qui sont des actions manuelles sur des surfaces, la photographie a un caractère, je dirais, automatique, puisque c'est un enregistrement de la lumière sur une plaque sensible dans laquelle la main de l'homme n'intervient pas directement. Et certainement, pour aller directement à Cartier-Bresson, c'est la grande différence qu'il voit entre la peinture qu'il aurait voulu pratiquer, qu'il a pratiqué un certain temps, et la photographie. Qu'est-ce que ça change que la main de l'homme n'intervienne pas dans la création de cet art? Mais ça change que le libre arbitre de l'artiste, si on peut l'appeler ainsi pour les photographes, le libre arbitre est complètement transformé, enfin a tout autre caractère, puisque on ne choisit plus ce que l'on dépose sur la surface, on ne choisit plus les lignes maîtresses de l'œuvre, la composition notamment, mais elle est tribute, cette composition de l'image, à laquelle Cartier-Bresson sera malgré tout très attaché, elle est tributaire de l'appareil que vous utilisez, puisque vous utilisez un appareil, et dans l'extrait que vous avez venu de faire entendre, ce que je note justement, c'est que Cartier-Bresson insiste beaucoup sur la présence, la pratique, l'utilisation d'un appareil. Le Leica. Le Leica, pour lui, qui a été l'instrument qui lui a permis de passer un cap dans la photo, parce que c'est un appareil qui justement est apparu à la fin des années 20, mais qu'il utilise, lui il en achète un en 1932 je crois, et c'est effectivement les années dans lesquelles le Leica se répand beaucoup chez les professionnels, et particulièrement chez ceux qui font plutôt du reportage, c'est-à-dire qui veulent être proches de la réalité, proches des gens. Parce qu'il est léger, qu'il est maniable. Alors, les avantages du Leica, c'est que bon, d'abord, il est comme on disait à la fin du 19e siècle, portatif, c'est-à-dire que c'est un appareil à main, contrairement aux chambres du 19e qui étaient posées sur des trépieds qu'on ne pouvait pas bouger, qu'on ne pouvait pas prendre dans la main. Appareil à main, très léger et qui se place devant l'œil, en quelque sorte. Il y a un viseur. Ce viseur, sans entrer dans les détails, est beaucoup plus pratique que les viseurs antérieurs. Donc, cet appareil a été conçu pour tous ses avantages. Et l'autre avantage, c'est la taille de la pellicule, qui est une pellicule de cinéma. C'est-à-dire la pellicule qu'on utilisait pour faire du cinéma depuis le début du siècle, et qui est une pellicule 35 mm, donc qui donne des négatifs très petits, 24 sur 36 mm, que ensuite on agrandit au tirage. Donc tout est fait pour la compacité, la maniabilité et l'utilisation à hauteur d'œil, qui fait que Cartier-Bresson l'a beaucoup raconté, que cet appareil est intégré au corps. Voilà, le corps du photographe, le corps de Cartier-Bresson ne fait qu'un avec son appareil. Prendre une photo, c'est un plaisir physique pour Cartier-Bresson, c'est une danse quasiment. C'est un plaisir, c'est une danse, parce que il avait une manière très particulière, très personnelle de photographier, que les autres photographes regardaient avec curiosité également, que Truman Capote a parlé à son sujet, ils se sont fréquentés aux États-Unis, a parlé de lui comme d'une libellule inquiète. C'était pas d'ailleurs son nom de totem quand il était scout? Non, j'ai oublié le nom de totem, mais c'était anguille frémissante ou quelque chose comme ça. Anguille frémissante, oui. Quelque chose comme ça, oui. Alors, il avait même deux Leica, je crois, autour du cou. Oui, deux Leica, parce que éventuellement, enfin, c'était mieux de ne pas avoir à changer de pellicule à la fin de la première pellicule. Et aussi, il y avait des questions d'objectifs. Et à certains moments, il y avait aussi des questions de photographie en couleur. Quand il est en Asie, après, enfin, 49-50, il fait de la photographie couleur. Donc il a un deuxième appareil pour la couleur. Et pourtant, il a expliqué que pour lui, la couleur, lui qui était quelqu'un de très discret, était foncièrement criarde, et que pour cette raison, il n'aimait pas tellement la couleur. Alors, c'est beaucoup plus tard, dans les années 70, qu'il a décidé que la couleur ne lui convenait pas, non pas la couleur photographique qu'il obtenait, éventuellement ça ne lui convenait pas très bien, mais ce qui ne lui convenait pas du tout, c'est la reproduction dans les magazines des couleurs qu'il trouvait très, très mauvaises, pas conformes à la réalité, ni conformes à ce qu'il avait obtenu sur la pellicule. Donc il a décidé, mais tardivement, d'abandonner la couleur et même d'interdire qu'on reproduise ses photographies en couleur. Il en a fait en Chine en 49, que nous ne pourrons pas montrer dans l'exposition puisqu'il a demandé qu'elle soit détruite. Qu'est-ce que ça veut dire l'instant ? C'est pas de moi. J'ai trouvé ça avec Thériade comme exergue pour le livre. Et en tirant ça, j'avais lu ça dans le Cardinal de Retz. Et puis c'est l'éditeur américain qui a pris ce titre, parce que nous avions dit l'instant à la sauvette. C'est-à-dire que nous sommes des pickpockets. C'est le Thériade et moi, nous avions trouvé ce titre. Et c'est Dick Simon, l'auteur de l'édition américaine, qui a dit « Ah, decisive moment ». Alors c'est devenu une espèce de truc comme ça. On me rabâche ça. D'accord, alors j'arrête. Non, alors c'est devenu comme une espèce de marque de fabrique, et puis un ostracisme vis-à-vis d'autres conceptions de la photo. Alors vraiment, quand on est libertaire, ça fait un drôle d'effet de prendre tout ça. Cartier-Bresson au micro de Marc Voinchet. On entend bien l'agacement du photographe quand on lui resserre cette idée de l'instant décisif. Moi, j'aurais quand même qu'on y revienne un petit peu avec vous, Michel Frisot. D'abord, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on associe tellement Cartier-Bresson avec cette idée de l'instant décisif. Bon, c'est une affaire un peu délicate et difficile à son corps défendant. Comme vous avez entendu, il ne voulait pas qu'on rabâche tout le temps cette question d'instant décisif. En fait, c'est venu d'une citation qu'il a mise en exergue de son principal texte, qui est publié dans le livre « Images à la sauvette » en 1952, qui est une citation qui parle de « moment décisif ». Et qui est une citation des mémoires du cardinal de Retz. Et il s'est trouvé, c'est simplement une citation, et il s'est trouvé que pour l'édition américaine, alors le livre dont je parle c'est « Images à la sauvette », et cette idée d'image à la sauvette était vraiment l'idée qui lui convenait très bien pour caractériser sa manière de photographier et sa conception de la photographie. Et il se trouve que l'édition américaine a été intitulée, au lieu d'image à la sauvette, qui n'avait pas de traduction, non. Il était assez embarrassé, ils l'ont intitulée « The Decisive Moment », en reprenant le moment décisif, qui était l'expression du cardinal de Retz, non pas « instant décisif », mais « moment décisif », et retraduit en français, c'est devenu « l'instant décisif ». Et bon, il l'a toujours dit, ça ne lui convenait pas du tout. Pour lui, ça n'était pas du tout l'essentiel de sa pratique. Mais quelle est la nuance entre l'idée d'une photographie à la sauvette et l'idée du moment décisif? Parce que c'est vrai que les photographies de Cartier-Bresson, même si on sait qu'il en prenait beaucoup et que c'est pas comme si il en prenait une seule de l'instant décisif, c'est vrai qu'il y a toujours ce mouvement de la vie quand même dans les photographies et il se passe quand même toujours quelque chose dans ces photos. Oui, il se passe toujours quelque chose, mais il se passe certainement quelque chose aussi en dehors de la photo, dans les autres moments. Et ce qui ne lui convenait pas, c'était l'idée qui était attachée dans les années 60-70 à la question de l'instant décisif, c'est qu'il n'y aurait que, enfin, dans une pratique photographique comme la sienne, il n'y aurait que une photo unique qui pourrait être saisie à cet instant-là et qui rassemblerait toutes les données, qui seraient parfaites, si vous voulez, la photo parfaite et unique dans cet instant décisif. Et c'est une idée à laquelle il n'adhérait pas du tout. Et pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'elles sont parfaites et uniques. Parce que c'est pas ça sa pratique. Quand vous regardez ses planches contact, parfois, il y a une photo unique, mais très souvent, il y a deux, trois, quatre prises de vue, pas beaucoup, mais deux ou trois prises de vue, où justement il va changer de place très légèrement. Il le dit d'ailleurs très bien dans ses interviews, dans ses textes. Ça tient à pas grand chose, la place de l'objectif qui va déterminer ce qu'on peut appeler, entre guillemets, la composition de l'image et le contenu de l'image, et en particulier la saisie des regards des personnes photographiées, qui est très importante pour lui. Ça ne correspond pas à un seul instant, mais à plusieurs instants, et même, il récuse cette idée d'instant, si vous voulez. Est-ce qu'il définit un cadre et attend quand même, alors on ne va pas parler d'instant, mais un événement. Oui, ça lui est arrivé, comme tous les photographes des années 30, ça lui est arrivé de se poster à un endroit, c'est-à-dire de faire ce qu'il a appelé dans une interview le décor, avec des guillemets, mais un décor quand même, dans laquelle il allait placer justement ses acteurs, placer les acteurs qui allaient apparaître dans le champ du cadre, et auxquels il pourrait donner toute leur importance, et je ne sais plus la citation, mais leur importance et tout le respect qui leur est dû. Ce serait ça le bon moment de la photo. Mais c'est pas un instant ni particulier, ni unique. Du reste, je reviens sur cette question de la citation, parce que c'est une fausse interprétation de la citation qui parle de moments décisifs. Et pour le catalogue de cette exposition sur la Chine, je suis allé revoir, justement, parce que je voulais me sortir un peu de cette question de l'instant décisif, et j'ai trouvé une porte de sortie. Je suis allé revoir les mémoires du cardinal de Retz, oui. Qui en fait parle de la Fronde, dont il était la Fronde au XVIIe siècle, dont il était un grand partisan, partisan des frondeurs, comme on peut dire. Et ce texte, en parlant de moments décisifs, il parle de moments décisifs dans la révolution des États. Donc le moment décisif, c'est un moment politique. C'est un moment politique, ce qui convient très bien à ce qu'il fait en Chine. Alors on reviendra justement tout à l'heure sur le moment chinois de Cartier-Bresson, plutôt sur les deux moments chinois. J'aimerais revenir sur cette idée des regards. Vous dites la présence des regards dans le rectangle de la photographie, ça relève d'une stratégie des regards. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie ? Oui, ce qui caractérise Cartier-Bresson dès le début des années 30, quand il s'engage vraiment dans la photo, mais en indépendant et avec très peu de support médiatique, puisqu'il publie seulement quelques photos. Il n'est pas un photographe attaché à des magazines au début des années 30. Et C'est sur la question des regards et comment finalement ce qui compte, qu'il caractérise, c'est le regard à l'intérieur des photos et comment il circule. C'est, je crois, cette question des regards des personnes qui se situent dans le cadre, regards qu'il va essayer de capter au mieux et sur lesquels il construit l'efficacité de l'image. Pas l'image elle-même, mais l'efficacité de l'image vis-à-vis du regardeur ultérieur, puisque c'est ce qu'on appelle en cinéma le regard caméra, qui en principe est un tabou du cinéma, c'est-à-dire que les acteurs ne doivent pas regarder la caméra, alors que en photo c'est un élément d'efficacité, on pourrait dire émotionnelle de la photo. Si dans une photographie vous voyez quelqu'un qui vous regarde, vous spectateur de la photo, regardeur de la photo, c'est plus intense, c'est plus pertinent comme relation. Est-ce que ça veut dire que le photographe lui-même est un personnage de la photographie, parce que le regard caméra, c'est aussi le regard sur le photographe ? Bien sûr. Si quelqu'un regarde le photographe et l'appareil, puisque avec le Leica, ils ne font qu'un, l'œil du photographe se confond avec l'objectif de l'appareil, dans le cas du Leica, si quelqu'un regarde le photographe sur la photo, vous avez l'impression que cette personne vous regarde. Mmh. Donc c'est une relation triangulaire ou quadrangulaire qui s'installe, et ça, à la prise de vue, Cartier-Bresson le domine très très bien. Il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien jouer avec tout ça, avec le fait que les gens vont regarder ou ne vont pas regarder. En fait, il est assez ambigu dans ses interviews, dans ses textes à ce sujet, parce que il dit que il faut éviter que les gens regardent. Mais en fait, quand vous regardez bien ces photos, il a choisi précisément au moment de la prise de vue, le déclenchement, le moment où les personnes regardent vers lui. Donc il s'agit de faire naître une émotion plus forte pour le regardeur de la photo. Mmh. Parfois, est-ce qu'il, en attendant ses regards pour prendre la photo, ses regards particuliers, est-ce qu'il ne va pas forcer un petit peu le sens de la photo ? Parfois, attendre simplement un regard de surprise va donner, une fois la photo développée, un sentiment qui n'est pas le sentiment de la personne qui a été prise en photo, simplement par l'effet de surprise. Est-ce que vous pensez qu'il jouait avec ça, ou est-ce qu'il y avait au contraire une espèce d'éthique totale et il voulait retranscrire exactement ce qui se passait? Non, je ne crois pas que ce soit sa stratégie. Il a une éthique totale qui ne consisterait pas à jouer avec, mais il maîtrise totalement cette question du placement des regards et de la communication photographique par le regard, beaucoup plus que d'autres. Est-ce qu'il faut entrer en communication avec la personne qu'on prend en photo, même de manière non verbale? Les photos de Chine, évidemment, ils ne parlaient pas chinois. C'est important, ça, l'aspect psychologique? Alors, oui, d'ailleurs, je veux dire une anecdote à ce sujet qu'il relate dans sa correspondance en Chine, où il dit que la seule chose qu'il sait dire en chinois, c'est « ne regardez pas ». Et donc, c'est assez paradoxal chez lui, puisqu'il a appris à dire en chinois « ne me regardez pas ». Mais en fait, ce qu'il va saisir, c'est le moment d'inattention ou de retournement où quand même la personne va regarder par inadvertance, en quelque sorte. Ça ne doit pas être un regard qui dit ah, « je vous ai vu, je sais que vous êtes là et que vous allez faire une photo ». Voilà. Ça ne doit pas être ce regard-là. Et Cartier-Bresson a une faculté personnelle à susciter ces regards très, très fugitifs. Il parce qu'ils se font dans le décor. Voilà, qui se font dans le décor, mais qui en même temps disent quelque chose. Même quand ils ne sont pas adressés à l'appareil, ces regards qui regardent ailleurs disent quelque chose, et ça, Cartier-Bresson le saisit très bien. Il y a de l'empathie du photographe pour son beaucoup, sujet. Beaucoup, beaucoup d'empathie. Il a toujours dit et répété que ce qui l'intéresse, c'est l'homme avant tout. Voilà, rendre compte des situations humaines, mais le reste ne l'intéresse pas. L'appareil photographique est pour moi un carnet de croquis, l'instrument de l'intuition et de la spontanéité, le maître de l'instant qui, en termes visuels, questionne et décide à la fois. Pour signifier le monde, il faut se sentir impliqué dans ce que l'on découpe à travers le viseur. Cette attitude exige de la concentration, de la sensibilité, un sens de la géométrie. C'est par une économie de moyens et surtout un oubli de soi-même que l'on arrive à la simplicité d'expression. Photographier, c'est retenir son souffle quand toutes les facultés convergent pour capter la réalité fuyante. C'est alors que la saisie d'une image est une grande joie physique et intellectuelle. Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. C'est une façon de vivre. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. cet extrait de la préface du livre « Images à la sauvette » lu par Lara Brühl, Michel Friseau. Alors il faut reprendre un petit peu le parcours, il n'aimait pas tellement le mot de carrière d'ailleurs, il trouvait ce terme sans doute... Il aurait détesté ce mot. Voilà, un peu vulgaire, mais peut-être le parcours artistique alors de Cartier-Bresson. Rappelez que donc, il est venu à l'art par la peinture avec André Lhote. C'est peut-être de là d'ailleurs qu'il tire un peu son exigence géométrique. Oui, enfin, absolument. La question de la composition. C'est de l'enseignement d'André Lhote, oui. Et s'ouvre une première partie de vie artistique que vous qualifieriez comment ? Est-ce que avant qu'il devienne photo-reporter, il a déjà une première carrière qui serait purement dans le domaine esthétique ou artistique ? Oui, alors disons une première vie, en excluant le mot carrière, au début des années 30, quelqu'un de très autonome qui a choisi de ne pas s'engager dans l'entreprise familiale et donc d'abord de pratiquer la peinture et puis peu à peu de s'orienter vers la photo d'une manière amateur. Il a souvent utilisé d'ailleurs ce mot d'amateur pour ses débuts, en tout cas sans savoir vraiment ce qu'il allait faire de tout ça. Il fréquente des milieux littéraires poétique, il fréquente des surréalistes, ses amis au début des années 30, c'est Crevel, c'est Pierre de Mandiargues, c'est Léonore Fini, avec lesquels il voyage, les deux derniers cités. Donc voilà, c'est son milieu, mais il est un peu long à venir à la publication. C'est-à-dire qu'il fait des photographies comme il disait, isolé, c'est-à-dire une photo par-ci, par-là, mais qui ne constituait pas des ensembles, alors que beaucoup d'autres photographes étaient, pour le dire nettement, obligés de photographier pour gagner leur vie. Mais pourquoi est-ce que la peinture est abandonnée ? Ah ça, je ne sais pas exactement pourquoi. Je pense qu'il ne... Il considérait qu'il n'avait pas un talent suffisant pour s'engager là-dedans. Et à vrai dire, la photographie vient un peu comme une précession du cinéma, si vous voulez. Parce que les deux choses qui l'intéressent, quand vous avez cité l'introduction du livre « Images à la sauvette » de 1952, dans lequel il y a cette idée de moment décisif. Le début du texte, c'est « Je faisais de la peinture ». Le deuxième paragraphe dit il y avait aussi le cinéma, et j'allais au cinéma. Et donc ce sont ces deux formations et ces deux pôles d'intérêt. Mais ces deux pôles d'intérêt premiers qu'il va essayer de joindre, mais qu'il n'arrivera finalement pas à intégrer. On peut parler du cinéma d'ailleurs. Qu'il va essayer de rejoindre, peut-être même jusqu'à la fin de sa vie, puisque dans les années 30, il n'aura de cesse, en même temps qu'il fait de la photo, il n'aura de cesse de vouloir faire du cinéma, puisque aux États-Unis en 1935 il va travailler avec Paul Strand dans une compagnie de cinéma indépendante fondée par Paul Strand. Il va rentrer en 1936, il va aller voir Renoir pour faire du cinéma avec lui et devenir réalisateur. Il va participer, il va être assistant sur une partie de campagne de Renoir. Il sera à nouveau assistant sur La règle du jeu en 1939. Et il va voir Renoir pour lui montrer qu'il voudrait faire du cinéma en lui apportant un album de ses photos. Mm-hmm. Vous voyez comment tout ça, ce trio peinture, photo, cinéma est imbriqué pour lui. Et pourquoi les choses ne se nouent-elles pas alors pour lui ? Alors, il a dit par la suite que, en fait, il s'était rendu compte qu'il n'avait pas le talent et d'organisateur peut-être aussi le talent organisateur et il disait qu'il n'avait pas l'imagination pour faire du cinéma, qu'il n'était pas assez littéraire, c'est ça? Pourtant peut-être, il est très littéraire, il lit beaucoup. Il est très littéraire, mais il disait imagination, pas assez d'imagination, et qu'il avait abandonné pour cette raison. On regarde un peu la tête qu'ils ont. J'ai justement ce qu'il vous faut. Oh, quelle chance! Ah, la friture! Voilà, c'est naturel au bord de la rivière, quoi. Dites donc, et puis les Parisiens, la femme est rudement bien. Extrait de la bande-annonce de Partie de campagne de Jean Renoir, Michel Frézeau. Oui, il faut préciser d'ailleurs qu'il n'a pas vraiment abandonné le cinéma dans les années 30, puisqu'il a, il a fait des films, non pas d'imagination, mais des films plus politiques, comme un film sur pour la guerre civile espagnole, pour les républicains. Et après sa captivité et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a fait un film sur le retour des prisonniers. Il faut dire qu'il a tout de même arrêté vraiment de faire de la photographie pendant cette période-là, les années 1935. Donc ça prouve son engagement vraiment dans le cinéma. Non, il n'avait pas arrêté dans 35-36. Non, il continue à faire de la photo. Il est même engagé par le quotidien Ce Soir, qui était dirigé par Aragon et fondé par le Parti communiste. Dont il était un sympathisant, il faut le rappeler aussi. Donc il a travaillé pour le quotidien Ce Soir à partir du printemps 1937, donc en qualité de reporter. Et c'est d'ailleurs ce quotidien et aussi le magazine Regard, qui était le magazine du Parti communiste, qui l'ont orienté vers la question du reportage. Mais chez lui, c'est toujours un peu latéral. On sent que ce n'est pas ça qui l'intéresse. Mais finalement, quand il tourne comme ça autour de son sujet avec son Leica collé sur l'oreille, c'est presque des plans séquences qu'il filme pour lui-même. Et de temps en temps, il appuie et il prend une photo comme un extrait du plan séquence. C'est toujours un avant et un après, finalement, voilà. La photo prise. On peut développer l'idée que dans une photo unique de Cartier-Bresson, il y a l'idée du plan séquence. C'est-à-dire qu'elle contient à elle seule un plan séquence. C'est-à-dire qu'il dit lui-même que ce qu'il vise, c'est la photographie unique qui se suffit à elle-même. Et on y reviendra peut-être pour la question du reportage. Il prétend que une photo unique peut constituer un reportage. Alors c'est quoi justement, allons-y dès à présent, le reportage pour Cartier-Bresson? Parce que on voit bien que c'est un artiste d'abord, Cartier-Bresson, qui veut être peintre, qui veut être cinéaste, et puis tout d'un coup, c'est la deuxième partie finalement de sa carrière, il devient photoreporter. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors d'abord il faut dire qu'il devient photoreporter un peu par... Par hasard, par convenance, par occasion, parce que il devient reporter en 1947 à la suite, premièrement, d'une exposition qu'il a eue au Museum of Modern Art, au MoMA de New York, une exposition rétrospective de ce qu'il avait fait dans les années 30 et 40, ou une partie de la guerre. En fait, c'est une exposition de photos dans un musée d'art moderne et contemporain qui n'a pas de département photo à l'époque. Donc c'est tout à fait exceptionnel et c'est dû à l'amitié qu'il avait avec le Beaumont Newall, qui était le conservateur de la photo au MoMA. Mais c'est une exposition de photographes artistes. Et surréaliste, il y a ce côté justement... Avec le côté surréaliste qui était très apprécié aux États-Unis à ce moment-là. Ça, c'est un événement du printemps de 1947, mais qui est totalement à l'opposé, si vous voulez, du photoreportage. Et en fait, au même moment, il y a la fondation de Magnum Photo, l'agence qui est fondée par Robert Capa à New York, David Seymour, George Roger et Cartier-Bresson. Et il se trouve donc immédiatement engagé dans cette aventure qui lui paraît une aventure intéressante parce qu'on sort de la guerre, donc il y a toute la question politique qui se pose, et lui-même va choisir de s'intégrer à Magnum Photo, agence indépendante, et coopérative. Il faut le souligner. En accord avec les idéaux anarchistes, communistes. Anarchistes, communistes, non seulement de Cartier-Bresson mais de Robert Capa et de Seymour, de tous les adhérents de Magnum, qui avaient vraiment voulu fonder une coopérative dans laquelle ils sont propriétaires de leur négatif. Donc lui-même va choisir de s'engager là-dedans en allant en Asie pour traiter le problème de la décolonisation. Et c'est Capa qui lui dit, ces expositions au MoMA c'est très bien, oui. Mais si tu continues comme ça, tu vas oui. devenir un petit maniériste, tu devrais oui. plutôt faire du oui. photojournalisme. Voilà, oui, il lui dit très abruptement, les termes ont été rapportés par Cartier-Bresson, arrête avec tes histoires de petits surréalistes, tu vas devenir maniéré, lance-toi dans le reportage. Et c'est ce qu'il fait parce que bon, il a le sentiment que c'est sa vocation aussi et que c'est le bon moment. C'est ce qu'il fait, mais il n'oublie pas quand même ses années de photographe surréaliste. On les retrouve dans ses photos. Il n'oublie rien de sa pratique. C'est-à-dire qu'il va pratiquer le reportage comme il pratique la photo dans les années 30. C'est ça le truc, si vous voulez, de Cartier-Bresson, ce qui fait la différence. C'est ça son style ? Est-ce qu'on peut le qualifier comme ça ? C'est ce qui fait son style, oui, absolument. C'est cette question de photographie unique qu'il apporte avec lui, un peu surréalisante, un peu étrange, un peu bizarre, mais qui condense beaucoup de choses à l'intérieur, y compris les questions de regard et de composition. C'est ça qu'il transpose des années 30 dans le reportage, jusqu'à prétendre que, après tout, une photo peut très bien être un reportage. Et puis aussi dans le sujet, parce que il y a la composition, mais il y a aussi quand il va faire des reportages, la volonté délibérée de ne pas prendre en photo ce qu'on l'a envoyé prendre en photo. C'est le cas de manière assez évidente avec, par exemple, le couronnement en Angleterre du roi dans les années à la fin des années 40. Oui, George VI. La date m'échappe. Oui. Où en fait, il prend en photo essentiellement les gens qui regardent. Oui. Voilà. Il est envoyé par le magazine pour photographier le couronnement du roi, en 37. Qui ne l'intéresse pas du tout. Et donc, il va faire uniquement des photographies des gens qui assistent au couronnement et qui cherchent à voir et qui ne parviennent pas à percevoir à voir le défilé, enfin à voir ce qui se passe, et qui se sont juchés sur un mur, sur une caisse, ou qui ont même pris des instruments spéciaux, des espèces de petits télescopes pour voir par-dessus la tête des autres. Ils photographient tous ces gens, et c'est ce qui va constituer une double page de son reportage qui va être publié sous le titre Ceux qui regardaient. Oui. Donc vous retrouvez constamment cette question du regard comme point de vue latéral par rapport à ce qui lui était commandé. Et ça, il va le faire assez souvent en 54 en URSS. Il montre les portraits officiels qui suggèrent finalement le culte de la personnalité, l'obéissance absolue de la population. À Berlin en 62, alors que le mur est en train de se construire, il montre des enfants qui jouent à côté du mur pas complètement construit. Donc il y a toujours un peu ce hors-champ par rapport au sujet. C'est ça qui fait qu'il n'est pas que journaliste. Ah, Dieu merci, non, il n'est pas que journaliste, il est même... Oh, ne critiquez pas trop les journalistes quand même dans cette maison. Non, ce n'est pas une critique du tout, mais pour lui, effectivement, c'est un point de vue très différent. Il se positionne dans le champ de la photo. C'est-à-dire que photo, reporter, oui, mais photo d'abord. Reporter, ça passe au second plan. Il y a pas de question d'événement chez lui, si vous voulez. Quand vous regardez les photos de ses deux collègues, y compris dans ces années-là, 47, 48, Capa et Seymour, ce sont des photos malgré tout très événementielles. Enfin, Capa était renommé pour la guerre d'Espagne notamment. Toutes ces photos de la guerre d'Espagne, etc. Donc des événements, des faits dramatiques, des questions militaires, de combats, de conflits. Chez Cartier-Bresson, il n'y a absolument rien de ça. Il y a quelque chose de plus anthropologique peut-être. C'est totalement anthropologique. Mmh. Toujours l'homme. L'homme, c'est ce qui m'intéresse. Je vais vers l'homme, je vais au plus pressé, c'est-à-dire l'homme, comme il l'a dit dans une interview. Et ce sera aussi le cas en Chine. J'ai vécu en Chine pendant un an. En 5 ans, j'ai passé 6 mois, les derniers 6 mois du Kuomintang, les 6 premiers, la Chine populaire, et je suis retourné ensuite 10 ans plus tard. Alors ça m'intéressait de comparer. Il faut un plan de travail, enfin on se dit, c'est pas difficile ça, enfin, il y a l'industrie, il y a les loisirs, enfin on connaît tous les problèmes, il suffit de lire les journaux et puis de réfléchir un petit peu. Mais avez-vous pu librement photographier tout ce que vous aviez envie de photographier en Chine? C'est-à-dire, il faut d'abord comprendre la mentalité chinoise, qui est tout de même une chose assez compliquée. Les Chinois ne sont pas des... Ils sont un peu normands par certains côtés, mais... Mais vous l'êtes, d'ailleurs vous n'avez pas répondu à ma question. Je peux être assez chinois aussi, mais... Mm-hmm. Ça veut dire que ce sont des discussions à perte de vue, n'est-ce pas, où il faut avoir une certaine patience. Alors, voilà une des difficultés. C'est que mon métier n'est pas un métier de gens très polis, n'est-ce pas? On m'a facilité énormément le travail dans les communes, dans tous les organismes officiels, mais j'ai expliqué aux Chinois, je m'intéressais à la réalité, c'est-à-dire ce qu'on voit sur le trottoir. Les Chinois sont habitués à se présenter d'une façon digne, c'est-à-dire de ne pas être pris à l'improviste, n'est-ce pas, un peu boutonné. Évidemment, ça crée certains problèmes. Et dans tous les pays, le problème est différent, n'est-ce pas? Les Chinois sont différents de nous, les Américains sont différents de nous, c'est pas... En Amérique, les gens ne font pas attention à l'appareil photographique, tout le monde en a. N'est-ce pas? C'est exactement comme on a des stylos bi, on a un appareil photographique, enfin, ça fait partie de la panoplie. C'est ça. En Chine, on se méfie, en fait. Ah, les Chinois sont des gens méfiants, n'est-ce pas? Les Français sont des gens assez méfiants aussi. La compagnie des œuvres sur France Culture, nous parlons de Cartier-Bresson avec vous, Michel Frizeau. Et juste après cet entretien de 1962, c'était pour la télévision, il était interrogé par Jean Bardin et Bernard Hubren. Alors vous êtes donc le commissaire de l'exposition qui se tient en ce moment à la Fondation Henri Cartier-Bresson jusqu'au 2 février et qui présente donc les photos de ses deux grands séjours en Chine, 1948-49 et 1958. Le premier voyage de Cartier-Bresson, celui de 48, est très très important pour lui parce que ça va complètement déterminer la suite de sa carrière. Il est commandité par le journal américain Life. Comment ça se passe ? Alors effectivement, le séjour en Chine qui dure 10 mois, donc qui est très long, est très déterminant pour, alors là on peut dire carrière, pour la carrière. On a le droit d'utiliser le mot. De photoreporter de Cartier-Bresson. Il se produit au début des activités de l'agence Magnum, qui a été créée au printemps 47. À la suite de cette création, Cartier-Bresson est parti pour l'Inde. Avec où il arrive à la fin de l'année 47, et il faut dire qu'il est accompagné de son épouse Ratna Mohini, qui était une danseuse de danse traditionnelle indonésienne. Elle était indonésienne et qui va l'accompagner pendant les 3 ans pendant lesquels ils vont rester en Asie. Et donc elle va l'accompagner dans le séjour en Chine également. Elle a un rôle très important qu'on commence à découvrir, enfin que j'essayais de mettre en avant dans le catalogue de l'exposition, parce qu'on ne parlait jamais d'elle. Ils avaient divorcé dans les années 60, donc elle a été un peu occultée, mais à ce moment-là, elle est très importante parce que elle est de culture, elle est asiatique, elle est de culture bouddhiste, et elle lui est très très utile pendant le séjour pour comprendre justement la culture chinoise, la philosophie chinoise, et pour faire également la documentation sur ce qu'ils vont voir, certains endroits, comme par exemple ils vont aller sur le site de pèlerinage bouddhiste de Hangzhou, ou pour lequel elle va faire une documentation importante. Alors que photographie-t-il exactement pendant ce premier séjour? Parce que il faut dire qu'il y a un moment politique, un moment décisif politique, oui. Là c'est le cas d'utiliser cette expression, puisque on est au moment de la chute du gouvernement du Kuomintang, et c'est ça qu'il va prendre en photo. Oui, alors je reviens sur la question que vous posiez, que, à laquelle je n'ai pas répondu, comment s'est enclenché le séjour en Chine, puisque c'est le magazine Life qui a décidé de l'envoyer, de lui demander de se rendre à Pékin, alors que Cartier-Bresson a quitté l'Inde, où il a fait le fameux reportage, entre autres, sur la mort de Gandhi, enfin, et les funérailles de Gandhi. Alors qu'il l'a rencontré quelques jours avant. Qu'il avait rencontré le matin même de l'assassinat. Reportage qui est publié dans l'AF. Au début de 1948, et qui va lui donner une première renommée, en particulier auprès de l'AF. Ouais. Et donc, à la suite de ce reportage en Inde, l'AF va lui demander, à la fin de l'année, le fin novembre 1948, lui demander d'aller à Pékin pour faire un bilan, si vous voulez, de la situation de la ville, qui est à ce moment-là une enclave nationaliste, Kuomintang, entourée par les troupes maoïstes. Oui. Donc on sait que ça va tomber. On sait que, oui, au fur et à mesure de l'avancée des troupes maoïstes vers le sud, vers le Yangtze, quand ils seront arrivés au Yangtze, la ville de Pékin tombera. Et donc l'AF, qui a fait beaucoup de reportages sur la Chine dans l'année 48, publié beaucoup de ces reportages par des photographes de l'AF, l'AF veut faire un bilan, si vous voulez, d'état de la ville et de la culture chinoise qui va disparaître. Et c'est ça qui intéresse beaucoup Cartier-Bresson. Voilà. C'est qu'il ne s'agit pas d'un reportage purement politique. Il s'agit de parler des Chinois, de la culture chinoise à ce moment-là, de son histoire politique. Il ne s'agit pas de politique. Il ne s'agit pas non plus de conflits comme l'étaient les précédents reportages publiés dans l'AF. Il s'agit de faire une sociologie ou une anthropologie, comme vous disiez, de la ville et de la culture chinoise qui va disparaître. Et tout le monde a conscience qu'il y a une rupture qui va arriver. Et ça intéresse Cartier-Bresson. J'ai même découvert, et je l'ai raconté dans le catalogue, que en fait, cette idée d'aller en Chine était venu de Cartier-Bresson lui-même et non pas de l'AF comme on le pensait jusqu'à maintenant. Donc c'est d'abord lui qui a eu l'idée d'aller en Chine et en somme l'AF lui a pris l'idée et l'a envoyé comme photographe sous assignment de l'AF. Mais il va quand même être rattrapé par les événements aussi. Il va photographier non seulement le peuple chinois, mais aussi le peuple chinois pris dans l'histoire qui est en train de se faire à ce moment-là. Alors bien sûr, il est là pendant 10 mois, donc il est là pendant des périodes d'incertitude, des périodes d'interrègne. C'est-à-dire qu'il va il va assister à Nankin, par exemple, à la fin du Kuomintang et au départ des troupes du Kuomintang et à l'arrivée des troupes communistes. Et c'est en avril 49. À l'issue de ce séjour à Nankin, il va retourner à Shanghai où il était positionné auparavant. Et quand il arrive à Shanghai, les troupes communistes sont déjà là depuis 2 semaines. Donc, il va photographier l'installation du régime communiste et toutes les manifestations, les défilés, les réunions syndicales, etc., etc. Et puis, il y a cette série de photos très célèbres de petits épargnants qui font la queue pour changer leur argent en or. Et c'est que sont à l'origine d'émeutes qui vont faire des morts. Oui, alors, ça, c'est, bon, entre autres, c'est une des photographies les plus célèbres de Cartier-Bresson, cette file d'attente un peu chaotique qu'on connaît bien. En fait, cet épisode qu'on appelle le Gold Rush de Shanghai se produit le 23 décembre 1948, c'est-à-dire à l'issue de son bref séjour à Pékin, qui ne va durer que 10 jours. Il va partir juste au moment de l'arrivée des troupes maoïstes. Donc, il se rend à Shanghai et là, une semaine plus tard, il va être témoin témoin très partiel hein, de ces émeutes qui ont lieu dans la ville, parce que pour des raisons qui sont liées à l'énorme inflation de la monnaie, l'énorme dévaluation de la monnaie papier instituée par le Kuomintang, donc là on est encore sous régime nationaliste, à la suite de cette inflation, on a autorisé les gens à acheter un peu d'or pour si vous voulez, compenser les pertes sur la monnaie. Et donc les gens vont se mettre à faire la queue le 22 décembre jusqu'au lendemain en espérant que les banques vont ouvrir pour pouvoir acheter un peu d'or. Et c'est ce qui a suscité ces files d'attente. Il y a tout de même eu, dans ces émeutes, il y a tout de même eu 7 morts dans la journée. Alors, comment est-ce que vous qualifieriez l'œil politique de Cartier-Bresson à ce moment-là, puisque, comme on l'a dit, il est de tendance communiste, lui aussi, en tout cas sympathisant, il assiste au basculement vers le communisme d'un des plus grands pays du monde. Est-ce que ça se sent dans les photos? Est-ce qu'on voit un petit peu une prise de position? Dans les photos, non. Je crois que les photos sont très neutres à cet égard. Encore une fois, ce qui l'intéresse, c'est la situation des gens. Et dans ces photos du Gold Rush, il ne photographie pas du tout d'événements. Il n'a pas l'occasion. Mais pourtant, la légende est importante pour lui. Il veut toujours qu'on explique ce qu'il y a sur la photo. Donc, c'est bien que l'événement est important. Ce qu'il se passe est important aussi. Oui, mais la légende est, comment dire, tenue à l'écart des événements eux-mêmes. C'est-à-dire que vous ne voyez pas vraiment les émeutes de Shanghai. Vous voyez une file d'attente dont d'ailleurs, pour parler de cette photo précisément, Cartier-Bresson n'a pas vraiment conscience de l'avoir faite, cette photo-là, et n'a pas conscience qu'elle sera par la suite représentative du Gold Rush. Parce que en fait, c'est une photographie dont on ne sait pas dans quelles circonstances elle a été faite et qui n'a pas reçu de légende précise au moment où elle a été diffusée. Alors Cartier-Bresson va chercher à revenir en Chine quelques années plus tard. Idéalement, il serait revenu plus tôt, mais il n'obtient pas les visas comme il l'aurait souhaité. Il revient 10 ans plus tard. Et là, quel type de photo va-t-il faire ? Quand il revient en 1958, ce sont de toutes autres circonstances, puisque il est devenu entre-temps le photographe peut-être le plus célèbre du monde. L'agence Magnum elle-même est devenue une très grande agence de photographie, de presse, avec beaucoup d'adhérents très efficaces et prestigieux. Et prestigieux. Donc les circonstances sont très différentes, le monde a changé aussi, et ce qu'il veut faire, c'est le bilan de 9 années de communisme en vue de la célébration des 10 années du régime, puisque la République a été la République populaire a été fondée le 1er octobre 1949, une semaine après que Cartier-Bresson ait quitté Shanghai. Donc dès ce moment-là, il avait pensé revenir quelques années plus tard pour faire le constat du nouveau régime, mais en 1958, il n'est plus libre du tout de photographier ce qu'il veut. Au contraire, pendant les 4 mois du séjour, il est continuellement accompagné dans ses déplacements, des déplacements très très longs, en train ou en avion, de plus de 12 000 kilomètres en tout. Il est continuellement accompagné par un guide interprète, comme on dit, qui ne l'emmène que là où il veut que Cartier-Bresson aille photographier. Ça se sent peut-être un petit peu dans les photos, parce que dans le catalogue et dans l'exposition, la place que vous avez laissée à ce deuxième voyage est beaucoup moins importante que la place que vous avez laissée pour la première excursion là-bas. Oui, mais c'est pas la seule raison. C'est parce que il y a moins de photos. Et puis, vraiment les circonstances sont très différentes. Il est en quelque sorte obligé de photographier des usines, des puits de pétrole, des paysans, ce qu'on appelait les communes, les nouvelles communes, etc. Et oui, tout ce qui montre le progrès que faisait la Chine à l'époque du grand bond en avant. Merci beaucoup Michel Frisot. Puis comme c'est l'actualité, je rappelle donc une fois encore l'exposition Cartier-Bresson et la Chine qui se tient jusqu'au 2 février prochain à la Fondation Cartier-Bresson dans le Marais à Paris. Le catalogue, lui, est disponible chez Delpierre. Vous avez été épaulé dans cette entreprise par Ying Longsu. On termine cette émission par une chronique art plastique. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique que nous propose aujourd'hui Fabien Simode du magazine L'Œil. Bonjour Fabien. Bonjour Mathieu. Vous demandez tout simplement aujourd'hui ce que c'est qu'être un artiste. Être ou ne pas être, c'est là la question. Mourir, dormir, peut-être rêver. Hamlet, acte 3, scène 1. Ces vers de Shakespeare auraient pu servir de titre à l'exposition du Palais des Beaux-Arts de Lille, qui leur a préféré ce titre plus court, le rêve d'être artiste. Son thème, raconté à travers une sélection de peintures et de sculptures, comment les artistes sont devenus des artistes. Comment, en 5 siècles, les artisans du Moyen-Âge ont obtenu un statut social à part hors norme, celui d'artiste. Vaste programme qui revient à poser cette question. C'est quoi être artiste ? Alors l'introduction au catalogue de l'exposition lilloise remarque que c'est peut-être avoir la liberté de créer sans entrave. C'est juste, mais c'est un peu court pour définir l'artiste. Je ne vous apprendrai rien, Mathieu, en vous disant que ce concept est une notion culturelle qui varie selon les époques et les sociétés. L'artiste n'est pas le même dans l'Antiquité ou au XIXe siècle. D'ailleurs, le mot lui-même n'est vraiment utilisé qu'à partir du XVIIIe siècle. La sociologue Nathalie Henisch nous dit que son statut est mouvant, qu'il est passé de l'artisan au Moyen-Âge au professionnel à la Renaissance pour arriver au régime qu'elle appelle vocationnel au XIXe siècle. Alors une vocation qui semble aujourd'hui bien loin, tant la vision romantique du génie tourmenté a cédé la place à l'artiste comme chef d'entreprise. Et oui, l'image du Van Gogh illuminé entretenant un rapport quasi mystique à sa peinture a en effet été remplacée par une vision de l'artiste plus en face avec la société. C'est ce que l'on peut lire dans l'article qu'Amélie Adamo consacre au sujet dans le magazine d'Art L'Œil ce mois-ci. Si l'image du génie romantique perdure dans l'imaginaire collectif, et notamment dans le cinéma, au XXIe siècle, aujourd'hui, l'artiste doit savoir gérer sa carrière, son image et gagner de l'argent, nous dit Amélie Adamo. Alors, il faut dire que même les stratégies de reconnaissance mises en place par les artistes au fil des siècles ont été démolies par les avant-gardes du XXe siècle. Vous avez raison. Si nous prenons l'exemple de la signature, le premier autoportrait signé est celui que Jean Fouquet réalise en 1451. Vous pouvez le voir en ce moment au Louvre dans l'exposition « Figures d'artistes ». Pour la première fois dans l'histoire de l'art, le peintre revendique son statut. « Je signe, donc je suis artiste », nous dit Jean Fouquet. Si la signature perdure jusqu'au XXe siècle, dans la seconde partie du siècle, cet attribut tombe. Les artistes signent plus, mais établissent des certificats d'authenticité, leur reconnaissance venant désormais non plus de l'atelier, mais du marché de l'art. Jeff Koons n'a plus besoin de signer, puisque son statut d'artiste est établi par son entrée dans la collection Pinot. Mmh. Bien sûr, ce renversement des valeurs touche d'autres notions, comme le beau, le savoir-faire ou le génie, qui a presque disparu du vocabulaire. Et cela change le regard que nous portons sur les artistes, ceux d'aujourd'hui, mais aussi ceux d'hier. Goya, par exemple, décède en 1828 au moment où se met en place le mythe de l'artiste moderne. Immédiatement, son image est celle du peintre génial et solitaire, coupé du monde, enfermé dans sa surdité. Or, les experts sont aujourd'hui formels. Goya n'a pas pu peindre seul toute l'étoile qu'on lui attribue. Mmh. C'est d'ailleurs le thème d'une autre exposition qui se tient actuellement à Agen. Celle-ci met l'hypothèse que Goya n'aurait pas été isolé, mais au contraire à la tête d'un atelier productif employant des artistes qu'il nous faut maintenant redécouvrir, comme Felipe Arroyo. Alors, je pose la question, être ou ne pas être artiste ? C'est là la question, Mathieu. Et la réponse, vous le voyez, est loin d'être gravée dans le marbre. On en veut dire heureusement qu'elle n'est pas gravée dans le marbre. Parce que c'est ça, être artiste, c'est être toujours dans une identité mouvante. Merci beaucoup, Fabien Simode. Tout cela est à retrouver dans le dossier du magazine dont vous êtes le rédacteur en chef, le magazine L'Œil, disponible en kiosque. La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Jeanne-Pin, Hélène Rivière et Marie-Claire Oumabadi.